tête dirigée. Comme dimanche où on était, je n'allais pas me faire à manger. Alors je me suis préparé pour aller déjeuner. Et chez Manu, je n'irai plus. Et chez Manu, c'est vrai que ça pue. Chez Manu, je n'irai plus. Chez Manu, c'est vrai que ça pue. Ouais, c'est vrai. Toute ma matinée, j'ai en vain recherché un petit resto narpé. J'ai pas mal galéré. Il était bien caché. Finalement, je l'ai trouvé. Chez Manu, je n'irai plus. Chez Manu, c'est vrai que ça pue. Chez Manu, je n'irai plus. Chez Manu, c'est vrai que ça pue. Ouais, c'est vrai. Par Roubaix, je suis passé. J'ai vu sa publicité. Rue du Pompier, je suis arrivé. Je n'ai pas pu me garer. Tant quoi, je m'avançais. Et chez Manu, je n'irai plus. Chez Manu, c'est vrai que ça pue. Chez Manu, je n'irai plus. Chez Manu, c'est vrai que ça pue. Ouais, c'est vrai. Je me suis installé sur une table dans l'allée. Le serveur est arrivé, coiffé d'un joli béret. Une odeur là